soleil vient frapper la vitre, les rideaux, le parquet. Il n'y a personne, l'or est fripé. Et moi je t'attends sur le quai. Aujourd'hui c'est dimanche, tu reviens de ton ange, et tu as dans les manches des tours qui l'envoient d'amour. Oh, c'est aujourd'hui le soleil vient frapper trois fois à ma porte, et je t'attends tranquille sur le quai. Et en moi vous les pendus du corps, round the end of sun, you day and you soon, round the end of yonder's all, yonny down the gun, you're standing tall, yonny down the children and tall.